Les militaires, travailleurs, jeunes et enfants coréens visitent sans cesse le haut lieu rêve-sonneur de Ponghwa. Depuis l'ensemble du Tutsi 2011 jusqu'à présent, plus de 818 000 personnes l'ont visité. Cet endroit est empreint de la vie sacrée rêve-sonneur et des exploits immortels de M. Kim Jong-di, éminent dirigeant du mouvement de libération nationale contre le Japon et combattant rêve-sonneur inébranlable. Il y a l'école Myongsin où M. Kim Jong-di a appris le grand dessein patriotique et la ferme volonté pour la libération de la patrie à la nouvelle génération au cours de sa direction de la lutte anti-japonaise et indépendante, la maison où il a vécu avec sa famille, le lieu de réunion secrète du mont Ponghwa, la stèle et l'embarcadère Maekjeon.